Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio et que les émissions de reprise te plaisent. Bravo à Mick et Tom Ledbetter qui ont réussi leur examen d'entrée sur Stone Rock. Je ne sais pas si tu as reconnu le morceau qui m'accompagne pendant mon intro. C'est Picking the Blues du groupe Grinderswitch. C'était le générique de John Peel Show à la fin des années 70. Ce sera désormais le titre d'introduction en hommage à ce grand DJ de la BBC que je vénère. Alors, comme tu le sais, si tu as écouté l'émission précédente, on va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également des beaux morceaux soul et reggae. Au programme de ce nouveau Stone Rock Show, des classiques rock, Jackson Browne, XTC, Metal Urbain, du Collector, des morceaux oubliés et le groupe Ultravox en live chez John Peel. Et on commence tout de suite avec quelques petites douceurs. The Carpets, groupe de punk rock anglais, et le titre Radio Wonderbar, extrait de leur premier EP sorti en 1977 chez Small Wonder. Le Wire du jour, Feeling Cold Love, extrait de l'album Pink Flag sorti en 1977. Le groupe punk rock américain Mumps et le titre Crocodile Tears. Face B du single I Like To Be Clean sorti fin 1977 chez Bump Records. Et on terminera avec un petit reggae, Althea and Donna et le titre Uptown Top Ranking, titre sorti en single fin 1977 chez Virgin Records, mais qui a été classé numéro 1 du Billboard début février 1978. Allez, let's go! Where the smiles are just relax your fears. c'est quoi ce bordel? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? See me in my heels and ting. Them checks and we hip and ting. Chew them no no and ting. We have them going and ting. Now pop no style. Strictly roots, now pop no stop. A strictly roots. See me on the road and you no call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. See me give you heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Uptown top ranking. And ting, Dolly True Constant Spring. Them checks say we come from Cosmo Spring, but the true them no know and ting. Them no know say we top ranking, uptown top ranking. Should I see me and the ranking dread? Checo, a jamming and ting. Love is all I bring in a khaki suit and ting. Nah pop, nah style, I strictly roots. Nah pop, nah style, I strictly roots. Watch out, we chuck it and ting in a khaki suit and ting. Love is all I bring in a khaki suit and ting. Nah pop, no style, I strictly roots. Nah pop, no style, I strictly roots. See me in my pants and ting. See me in my altar back. See me give you heart attack. See me lick a bass, make my wine up my waist. Uptown top ranking. See me from the road and you not call out to me. You see me in my pants and ting. See me in my altar back. Send me give you heart attack. Give me little beers, make me wine up my waist. Give me little beers, make me wine up my waist. Love is all I bring in a khaki suit and ting. Nah pop, no style, I strictly roots. Nah pop, no style, I strictly roots. Just see me and the ranking dread. Check out we jamming and ting. Love is all I bring in a khaki suit and ting. Me nah pop no style. That's true. Le Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Just a rock. On continue ce Stone Rock Show avec deux titres de l'EP du groupe de punk rock américain Avengers, sorti fin 1977 sur le label Danger House Records. Je vais te passer We Are The One et I Believe In Me. On enchaînera avec Black Randy and the Metro Squad et Sperm Bank Baby, single sorti également en 1977 chez Danger House, et on terminera cette série avec The Deals et le single Class War, qui est sorti également fin 1977 chez Danger House. Belle petite série punk rock américain, ça devrait te plaire. Yeah.

le Stone Rock Show. Émission d'Olive. C'est toujours le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio et c'est Olive pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment nostalgique. J'ai encore de belles choses à te faire écouter et découvrir. Troisième partie tout de suite avec XTC et le titre Statue of Liberty, extrait de leur premier album White Music, sorti le 20 janvier 1978 chez Virgin. XTC est un groupe majeur de la pop anglaise et un des groupes créateurs du mouvement New Wave. Ensuite, nous écouterons Bebop Deluxe et le titre Panic in the World, extrait de l'album Drastic Plastic sorti en février 1978 sur le label Harvest. Bebop Deluxe est un groupe de rock progressif anglais très scénique et théâtral qui a connu un certain succès commercial dans la seconde moitié des années 70. Drastic Plastic sera leur dernier album, je vous en passerai plusieurs morceaux pendant cette saison, ainsi que l'album d'XTC. On enchaînera avec The Modern Lovers de Jonathan Richman et le titre I'm Straight, extrait de l'album éponyme sorti en 1976. Drôle d'histoire pour ce petit chef-d'œuvre. Le groupe enregistre cet album en 1973, mais à cause de désaccords avec la production et la maison de disques sur le changement d'orientation musicale de Richman, le groupe se séparera en 1974 avant la sortie de l'album. C'est le label Bezer Clay qui sortira l'album 3 ans plus tard, en 1976, mais le ton direct, rageur et sensible des morceaux marquera la postérité et les grands débuts du punk rock. Et on terminera cette série avec The Dogs, rien à voir avec les Rouennais de Dominique Labrouë, et le titre Rock'n'Roll sorti chez Rev Up fin 1977. Nearly naked and ashamed.

Dernière partie du Stone Rock Show avec Randoms, groupe de punk rock américain, et le titre Let's Get Ride in New York, sorti en 1977 chez Danger House Records. Les punks français Metal Urbain et le titre Paris Maquis, sorti en 1977 chez Rock Trade Records. Pour info, John Peel diffusera plusieurs fois les singles de Metal Urbain dans le John Peel Show et leur fera enregistrer deux Peel Sessions dans les studios de la BBC, dont une que je vous passerai sûrement dans le Stone Rock Show. On enchaînera avec Charlie Burton et Rock'n'Roll Behavior. Je ne sais pas grand chose sur ce titre à part que c'est son premier single sorti fin 1977 et enregistré avec le groupe Rock Therapy. Et on terminera cette série avec Jackson Browne et le titre Running on Empty, extrait de l'album du même nom sorti le 6 décembre 1977 sur le label Asylum. C'est le cinquième album du songwriter américain et il atteindra la troisième place du Billboard au début de l'année 1978. Assassin, fragilité, liberté.

le groupe Ultravox, enregistré le 21 novembre 1977 dans les studios de la BBC et diffusé le 28 novembre 1977 dans le John Peel Show. Le groupe y interprète 4 titres, My Sex, The Man Who Dies Every Day, Artificial Life et Young Savage. Demain soir, c'est Manu qui sera à l'antenne avec le Rock Alternative Show. Ce sera vers 20h sur Stone Rock Radio. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud sur la page de la radio. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news et de la prog. Allez, bonne nuit à toi, ami du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye. For me, like a mongrel waits, downwind on a tightrope leash. My sex is a fragile acrobat. Sometimes I'm an overcane shot, sometimes I'm an automat. My sex is often solo, sometimes it short circuits them, sometimes it's a golden glow. My sex is invested in suburban photographs, skyscraper shadows on a car crash overpass. Is savage, tender, it wears no future faces, owns just random gender. My sex is a wanting wardrobe I still explore, of all the bodies I knew and those I want to know. My sex is a spark of electro flesh, leased from the tick of time and geared for synchro mesh. My sex is an image lost in faded films, a neon outline on the high rise, overspill. My sex, my sex, my sex, my sex, sudden ghost come through, a spark left from a fingertip, and I knew it must be you. Ain't you the man who dies every day? Ain't you the man who dies every day? Yes, you're that man. We never saw you walking, we never saw you leaving. Up a lap on everybody's sleeve. You always play that funny pack of cards. the sunset behind your lonely shoulder. You never showed on photographs and you never grew much older. You flicker like a shaky shadow, moving like a thief. You never drop your facade and you never seek relief, 'cause you're the man who dies every day. Show love.